Section 42 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 11. Après quelques secondes de silence, Emmanuel, qui tenait dans sa main les deux mains de sa femme, continua ainsi. « Je t'ai dit, il y a quelques instants, que l'heure des explications avait sonné pour nous. Je m'étais imposé cette parole afin de ne pouvoir pas revenir en arrière et de ne pas me réfugier encore dans un silence qui m'étouffe. Je n'ai que trop différé l'aveu qui m'oppresse. Ma conscience me serait moins lourde si j'avais eu autrefois le courage de prendre la résolution que la fatalité m'impose aujourd'hui. L'aveu implique une faute, il me semble, et tu ne peux pas avoir commis de faute envers moi. » Il secoua tristement la tête. « En tout cas, dit-elle, en poursuivant avec force, si tu en as commis une, je ne veux pas la connaître. Hélas, pauvre femme, je suis plus coupable que tu ne peux l'imaginer. Mon excuse, si tu peux m'excuser jamais, était dans mon amour. Je t'aimais trop. La peur de te perdre a fait ma lâcheté et ma faute. » Charlotte avait été un moment déconcertée, mais à ces mots, elle pressentit ce qu'allait être cet aveu. Et elle n'eut plus qu'une pensée, l'empêcher. Mais comment ? « Je ne veux rien entendre, » dit-elle. « Jamais je n'accepterai d'être ton juge. Si tu ne veux pas m'entendre, tu m'obligeras à t'écrire, et la douleur que tu m'imposeras ne sera que plus cruelle. J'aime encore mieux parler en te sentant près de moi, en tenant ta main dans la mienne, en écoutant tes interruptions pleines de tendresse, que de t'écrire seule avec moi-même. Il a été un temps où je n'avais pas peur d'être seule. Mais hélas, ce temps est loin. Si tu savais quel supplice horrible c'est d'avoir peur de la solitude. Pourquoi n'es-tu pas toujours près de moi alors? Ne sommes-nous pas heureux ensemble? Ai-je jamais voulu m'éloigner de toi pour une heure, pour une minute? Tu es la meilleure des femmes et je serais moins malheureux si j'avais des reproches à t'adresser. » Elle n'avait certes pas le cœur à la plaisanterie, mais elle voulut essayer de le distraire de son idée. « Je ne te comprends plus, » dit-elle. « Parlons d'autre chose. » Mais il ne se laissa pas détourner. « Tu ne me comprendras que trop tout à l'heure, » dit-il, « et si tu veux bien ne pas fixer ainsi tes yeux que sur les miens, si tu veux me permettre de me confesser dans l'ombre, je parlerai plus librement. » Elle baissa les yeux. « Sans doute, » dit-il, « je pourrais commencer en me réfugiant derrière des circonstances atténuantes et appeler le souvenir de ton père à mon aide. Je pourrais te dire que, si je n'ai point parlé quand je le devais, c'est que je crains de désoler monsieur de la Hérodière qui, dans sa position, avait besoin de ménagement. Il y aurait du vrai là-dedans, mais ce ne serait pas toute la vérité et je ne serais pas sincère. Ce qui est vrai, c'est que j'ai tout sacrifié pour devenir ton mari. Voilà pourquoi, avant notre mariage, je ne t'ai point dit et n'ai point dit à ton père un secret qui pouvait l'empêcher. Puisque notre mariage est accompli, il n'est pas utile de connaître ce secret. Plus utile que jamais, pour toi aussi bien que pour moi. Tu ne m'as que bien rarement entendu parler de ma mère, et ce silence a pu te paraître un oubli coupable. Tu as pu croire que je n'aimais pas ma mère. » Si Charlotte avait pu conserver des doutes sur la confidence que son mari voulait lui faire, ces derniers mots l'auraient éclairé. Où voulait-il en venir, le malheureux ? Car bien certainement, ce n'était pas seulement pour parler de sa mère qu'il avait abordé cet entretien, pour lui si plein de douleur. « Je n'ai rien cru, » dit-elle, « si ce n'est que ce souvenir t'était pénible. »« Horrible ! Voilà la vérité pour moi, Charlotte, vertigineux !» Il plaça vivement ses deux mains devant ses yeux, comme pour se mettre à l'abri d'une vision. Puis, après un moment de silence, d'une voix sourde, à peine perceptible, « Ma mère est morte folle. Elle s'est noyée dans un accès de délire. Comprends-tu ? » Il se tut, arrêté par l'émotion, mais ce ne fut que pour un court moment. Bientôt, il continua. « Si tu as deviné qu'il y avait un terrible mystère sur les charmeaux, le voilà expliqué. C'est aux charmeaux, dans l'étang du parc, que ma mère s'est jetée, car elle s'y est jetée volontairement, hélas. Elle n'y est pas tombée par accident. C'est là ce que j'aurais dû t'apprendre, il y a 4 ans, ce que j'aurais dû révéler à ton père, surtout, et ce que je n'ai pas fait. Voilà ma faute. Et elle est d'autant plus grande qu'elle a été préméditée. Ce n'est point sans avoir conscience de mon action que je l'ai commise. Avec un autre homme que monsieur de la Hérodière, j'aurais peut-être parlé, au moins je tâche de le croire. Avec lui, je me suis tue. Il croyait à la loi d'hérédité, c'est-à-dire qu'il était convaincu que la folie est transmissible. Il aurait donc repoussé un gendre qui avait eu des fous parmi ses ascendants, par peur que ce gendre ne devînt fou un jour. Je ne parlais point. Notre mariage se fit. Voilà mon crime. » Il s'arrêta encore. Jamais Charlotte ne l'avait vu si plein d'angoisse. Mais que pouvait-elle dire ? Elle ne trouvait rien dans son esprit bouleversé. Silencieusement, elle lui pressait la main en le regardant avec toute la tendresse, toute la pitié qui gonflait son cœur. Tout ce qu'elle aurait pu faire pour empêcher cette confidence, elle l'avait fait. Elle ne pouvait rien maintenant, et d'ailleurs, il fallait qu'elle connût la conclusion de ce terrible entretien. Ce serait alors seulement qu'elle pourrait lui venir en aide, d'une façon efficace, pour le consoler ou le soutenir. Jusque-là, tout ce qu'elle dirait, tout ce qu'elle ferait, serait inutile et peut-être même maladroit. Il reprit. « Si je t'ai avoué franchement ma faute, et sans chercher hypocritement à l'atténuer, je veux maintenant t'expliquer comment j'ai été amené à la commettre. Mon amour, d'abord, qui m'a entraîné vers toi d'une force irrésistible. Combien je t'aimais alors, tu ne pourras jamais l'imaginer. J'ai vu cet amour. Tu as vu quelques élans, tu as entendu quelques cris que je ne pouvais pas renfermer. Mais ce qu'il y avait de tendresse et de passion dans mon cœur, tu ne l'as jamais su, car je m'attachais à le cacher. Notre mariage s'est fait dans des circonstances telles que tu n'aurais probablement pas consenti à m'épouser si au lieu du mari que tu acceptais, pour contenter ton père, tu avais su trouver en moi l'amant le plus passionné. » Ce fut au tour de Charlotte de détourner les yeux. Mais Emmanuel n'insista pas sur ce souvenir qu'il avait évoqué presque malgré lui. Il poursuivit. « Si puissant que fût cet amour, je n'aurais cependant jamais poussé l'égoïsme féroce de la passion jusqu'à faire de toi ma femme si j'avais pensé que je devais devenir fou un jour ou l'autre. J'ai besoin que tu me dises que tu me juges incapable d'une pareille infamie. Il y a des gens qui, se sachant poitrinaires ou scrofuleux, associent sans remords leur vie à celle d'une femme qui ne les connaît pas. Je ne suis point de cela. Si j'avais pensé que j'avais fatalement hérité de ma mère, j'aurais renoncé à toi. Et plutôt que de te perdre avec moi, je me serais brûlé la cervelle si je n'avais pas eu la force de te fuir. Me crois-tu ? Oh oui, je te le jure. Ce fut alors que pour la première fois, je pensais sérieusement à la maladie de ma mère et à l'héritage qu'elle avait pu me transmettre. Jusque-là, je ne m'étais pas demandé si je pouvais devenir fou. La question ne s'était jamais imposée à mon esprit. On ne pense pas à la folie quand on se sent pleinement maître des volontés et de sa raison. Mais au moment de devenir ton mari, il ne s'agissait plus de moi seul. Il s'agissait de toi que j'adorais. M'était-il permis d'unir ta vie à la mienne ? M'était-il permis de me marier ? M'était-il permis d'avoir des enfants ? Charlotte eut un frisson qu'Emmanuel sentit au tremblement de sa main. « Grâce à Dieu, nous n'en avons pas eu, » dit-il en s'interrompant, « et nous n'en aurons jamais, rassure-toi. » « Et qui t'a dit que je craignais d'avoir des enfants ?»« Ton frémissement à ce mot que j'ai prononcé. Mais ce n'est pas de cela que nous pouvons nous occuper en ce moment. Où en étais-je ? » Il réfléchit un moment. « Je te disais que j'avais examiné la question de savoir si je pouvais me marier. Je te jure que j'ai passé là des journées pleines d'anxiété. Et ceux qui m'ont rencontré sur la route de Sarzeau à la crique, que je faisais deux fois par jour, ont dû me prendre pour l'homme le plus triste de la terre. Je m'imposais toutes sortes d'épreuves. J'essayais de mille manières la force et la résistance de ma raison. Enfin, je sortis de cette dure expérience avec la conviction que je n'avais point hérité de ma mère. Notre mariage se fit. Tu sais ce qu'ont été ces 4 années de voyage, pour moi un long enivrement. C'est donc bien rarement que pendant ces 4 années, cette interrogation s'est présentée à mon esprit. Comment aurais-je prévu le malheur ? Nous revînmes en France, et je pense que tu n'as pas oublié notre conversation en chemin de fer. » Elle fit un signe pour dire que cette conversation avait laissé en elle des souvenirs qui ne s'effacent pas. « Tu as vu alors que Georges s'imposait à mon esprit. » Je te questionnais beaucoup sur lui. Cependant, je n'allais pas dans ces questions aussi loin que j'aurais voulu. Retenu que je fus par mon respect pour toi et par un sentiment de pudeur. Ce que j'aurais voulu, il faut bien que je l'avoue aujourd'hui, c'eût été de savoir si tu avais aimé Georges. Mon Dieu ! Cela est affreux, n'est-ce pas ? et cette jalousie rétrospective doit te paraître douteuse. Elle est cependant bien naturelle. Nous aimons et nous n'avons qu'un souci, nous faire aimer. Mais du jour où nous sommes aimés, nous n'avons plus qu'un souci, hélas beaucoup plus qu'un souci, une angoisse, ce qui est de savoir si celle qui nous donne son amour ne l'a pas déjà autrefois donné à un autre. Si cette jalousie fait souffrir bien des hommes, elle a été pour moi plus cruelle peut-être que pour tout autre. Et c'est alors que j'ai senti que j'étais bien le fils de ma mère. Tu m'écoutes ? Si je t'écoute, ah mon Dieu ! Ma mère, il faut bien que tu saches tout. Ma pauvre mère est devenue folle de jalousie. Elle avait aimé mon père passionnément. Cet amour était tel qu'elle avait épousé, elle, fille d'une famille noble, un paysan enrichi. Mon père était un homme ardent, emporté, plein d'une force qu'il fallait qu'il dépensât. Ma mère était une femme de sentiment. A-t-elle eu à se plaindre de mon père ? Je n'en sais rien. Ce que je sais seulement, c'est qu'elle a cruellement souffert de la jalousie et qu'elle a tourmenté mon père. Avec sa force, mon père a résisté facilement à cette lutte. Ma mère y a succombé. Jusqu'à notre retour en France, je me croyais le fils de mon père, à qui je ressemblais d'ailleurs par la force et la santé, même par cette encolure de bourguignon. Mais pour les choses de sentiment, j'étais à mon insu le fils de ma mère. Ce fut au Charmeau que j'acquis cette preuve terrible. Là où elle avait souffert, je souffris comme elle. La pensée de Georges ne quitta plus mon esprit. Tu as bien dû le voir. J'ai vu que tu souffrais, et j'étais heureuse quand tu m'as dit que nous allions quitter les Charmeaux. Maintenant que tu sais la vérité, tu dois te demander pourquoi j'ai voulu venir à Paris, où j'étais à peu près assurée de rencontrer Georges. C'est que le propre de la jalousie est de chercher l'incertitude qui doit faire notre malheur. À Paris, il me semblait que j'apprendrais ce que je voulais savoir. J'ai si bien tourné et retourné cette idée dans ma tête qu'elle est devenue une manie. Georges hante mon esprit, je le vois partout, la nuit, le jour, je le vois, je lui parle. Comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai demandé tout à l'heure si tu l'avais vu ? J'en suis arrivée en effet à ne plus m'en rapporter à moi. Charlotte poussa un cri étouffé. Tu ne l'as pas vu, continua Emmanuel, mais moi je l'ai vu. J'étais donc sous l'influence d'une hallucination. Toi tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas tromper. Sens-tu ma frayeur, mon horrible épouvante, Charlotte ? Je suis le fils de ma mère, que vais-je devenir ? Il me semble que j'ai encore ma raison, mais tout chancelle autour de moi. Je vais atteindre l'âge où ma mère s'est noyée. Que va-t-il se passer ? Oh, ma chère femme, ne m'abandonne pas, et si je ne te fais pas horreur, soutiens-moi. Je suis bien certain que si tu es près de moi, tu peux me sauver. Je verrai par tes yeux, je parlerai par ta bouche. Tu seras mon esprit, ma raison, ma conscience, ma femme. Mais pour cela, il faut que tu me pardonnes. Le pourras-tu jamais ? Sans répondre, elle se jeta dans ses bras et le tint fortement embrassé. Il se laissa aller contre son épaule et sur son cou, elle sentit tomber des larmes brûlantes. Fin de la section 42.